On va parler d'NCAA avec notre ami Hugues Fouché, du site internet lebetsnfl.com. Salut Hugues. Salut, ça va bien, Danny? Ça va bien, ça va bien Hugues. Évidemment, on va parler des matchs à surveiller en fin de semaine. C'est pas un grand cru comparativement à la semaine passée. Clemson-Notre-Dame, c'était un grand match et c'était un des meilleurs codes d'écoute de NBC depuis un sacré bout de temps. C'était prévisible. Donc, mais cette semaine, c'est beaucoup plus tranquille, là. Il y a le match qui est annulé en raison de la COVID avec LSU. Oui. Que ça, c'est décevant un peu. C'était LSU Alabama, c'était bien ça. Oui, Donc, exact. ça c'était annulé en raison de la COVID. Oui, écoute, c'est pas compliqué. Georgia, Ohio State, Georgia qui est 12e, Ohio State qui est 3e, Texas A&M qui est 5e, Alabama qui est premier. Tous les matchs sont reportés ou cancellés. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bonnes équipes là, qui ne seront pas malheureusement en action en fin de semaine. Donc, ça va enlever un peu de qualité au match. Il va y avoir des bons matchs quand même, là, mais c'est sûr que c'est décevant. J'aurais aimé voir Alabama contre LSU quand même, notamment, là, mais Même si on n'aura LSU, pas. c'est beaucoup moins fort cette année, donc. Oui, tout à fait. Mais j'aurais misé que contre Alabama, leurs ennemis jurés, ils auraient peut-être donné tout ce qu'il y avait, mais là, on n'aura pas ce match-là. Mais c'est vrai que LSU cette année, c'est pas un grand cru, mais tu sais, des matchs de rivalité comme ça, souvent, ça donne des résultats surprenants, là, un peu comme Michigan State contre Michigan, ou tu sais, des fois, ça peut donner des résultats un petit peu surprenants, mais là, ça n'aura pas lieu cette fin de semaine. OK, on va y aller maintenant avec les matchs à surveiller. Ben, il y avait également Maryland, Ohio State également, qui aurait été pas mauvais. Parce que, pourquoi ça aurait pas été mauvais? Parce que, écoute, le frère de Tua est en feu. J'aurais aimé ça voir ça contre Ohio State. Contre une équipe aussi forte qu'Ohio State pour voir comment ça aurait été. Ben, Donc, écoute, ouais. oui, puis je comprends pas, Maryland n'a pas de classement là, présentement, mais effectivement, le frère de Tua est en feu. Écoute, juste un petit mot avant qu'on commence, peut-être sur le classement. Parce que là, les classements sont sortis, et puis c'est assez particulier. On a Alabama au premier rang. On se disait, tu sais, que la semaine passée, que au moins ça serait le fun un peu d'avoir un petit peu de chaos dans les classements parce que c'est un petit peu trop prévisible. Alabama est premier, Notre-Dame est deuxième. Donc, Notre-Dame est passé en avant de Ohio State à cause de leur victoire sur Clemson. Ça me surprend un peu. Moi, je suis pas On s'entend que c'est. surpris. Je me serais attendu, moi. Je pensais que Notre-Dame. Je savais que Notre-Dame allait. C'est sûr que toi, tu parles parce que Trevor Lawrence n'est pas là. C'est probablement pour ça que tu parles de ça. Non, non, non. En fait, je pensais qu'il passerait devant Clemson, mais pas devant Ohio State. Parce que Ohio State n'a pas perdu la semaine passée. Puis avec Ohio State, c'est une grosse équipe, là. Je veux dire, j'étais impressionné par Notre-Dame, mais je suis pas sûr, tu sais. Je pensais qu'on donnerait encore le bénéfice du doute à Ohio State parce que Ohio State était devant Notre-Dame. Mais c'est vrai que la victoire contre Clemson, effectivement, c'est une grosse victoire. Mais bref, ils sont deuxièmes. Ohio State troisième, Clemson a quand même conservé le quatrième rang, c'est qu'on les garde pour l'instant dans le top 4. Mais par la suite, c'est là que ça me surprend un petit peu, Danny. Texas A&M est devant Florida, malgré que Florida a gagné une victoire énorme contre Georgia, puis ils ont fort bien joué. Alors, je suis surpris. En tout cas, tu sais, c'est toujours un peu comme ça, c'est arbitraire, c'est des votes là, mais. Comment tu peux actuellement considérer, ben peut-être que, ouais, c'est vrai que Texas A&M avait battu Florida, par exemple. J'ai peut-être la réponse à ma question, là. Lorsqu'ils se sont affrontés, Texas A&M avait battu Florida. Ça ressemblait peut-être plus à un accident que d'autres choses, mais quand même, c'est là. Et par la suite, on a Cincinnati à 6-0, BYU, Miami, puis écoute, ça, c'est une méchante, c'est une belle surprise. Indiana au 10e rang. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Diana classée aussi haut que ça. Je ne sais pas s'ils vont garder le Ouais. rythme, mais hein, c'est ça, c'était une grosse surprise. Des Hoosiers. Écoute, ça fait longtemps monsieur, que je suis de Pac-10, puis ben, que je, pas Big Ten, pas Pac-10, mais Big Ten, puis je me rappelle pas d'avoir vu ça. Parce que Jamais. mon équipe, c'est les Wolverines du Michigan. Donc, écoute, puis je me rappelle plus d'avoir honnêtement là, d'avoir vu que Indiana, puis c'est le fun. L'année passée, c'était Minnesota qui flirtait avec le top 25. Cette année, de voir Oui. Indiana. Mais la semaine prochaine, il joue contre Ohio State. Mais ça, une Ça défaite va les fera être. pas baisser nécessairement, là. Non, parce que non, t'as raison, parce que Ouais, en beaucoup. autant qu'ils soient compétitifs, il Ouais. faut pas qu'ils se fassent Ouais. massacrer, mais s'ils sont capables d'être compétitifs, ça les fera pas baisser. Je veux dire, personne bat Ohio State de toute façon, là. C'est Ouais, que effectivement. les gens s'attendent à ce que ce soit une défaite. OK, on va y aller maintenant avec les matchs de la Oui. semaine. Écoute, j'en ai un qui est pas le meilleur match, qui est même pas un bon match, même de ça, mais par contre, je vais essayer de regarder si ce soir à RDS. Pourquoi? Parce que j'ai interviewé cette semaine. Oui. J'ai interviewé Bruno Labelle, qui est l'allié rapproché, un Québécois qui joue pour les Bearcats. Puis les Bearcats sont septièmes actuellement au classement général de la NCAA. C'est pas rien, là. Puis Non. Cincinnati, écoute, dernière fois qu'ils ont participé à un gros bowl, c'est en 2009 avec l'Orange Bowl. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Surtout qu'un Québécois. Écoute, Il est partant très contre, vous allez le intéressant. voir. Oui, là, c'est très intéressant. Puis écoute, Cincinnati, c'est avant tout leur défense, une défense de vétérans. Beaucoup de joueurs là, qui sont seniors ou juniors sur cette défensive-là. Bonne attaque aussi. Et puis, je vais être bien honnête avec toi, là, la conférence dans laquelle ils jouent, Ben l'American Athletic Conference, c'est une bonne conférence, non. hein? Ouais, mais c'est pas. J'ai regardé ça, Non, t'as c'est. SMU, mais les autres équipes, c'est Oui. tous ça, c'est. Oui. Tu sais, c'est Mais t'as pas. aussi. Non, mais t'as SMU, t'as Ouais, UCF, si je me trompe pas, ok. aussi, qui est dans cette Ouais. Central Florida qui est fort. Puis t'as Houston qui a déjà eu des bonnes équipes. Puis t'as surtout aussi Memphis qui a eu des grosses équipes aussi dans les dernières années. C'est que moi, le seul point que je veux dire, c'est que cette conférence-là, elle est dans le Group of Five. C'est pas elle est pas dans le Power Five. Puis on snob toujours les conférences du Group of Five. Mais moi, je te dis que si tu mets ces équipes-là contre la plupart des équipes du Big 12, du Pac-12, ils s'en tirent très bien. Je suis pas sûr. Tu sais, le Big 12, si t'enlèves Oklahoma, ben là, cette année, d'ailleurs, ils sont pas très forts, mais dans les dernières années, je suis pas sûr que le reste du Big 12 est tellement plus fort. Il y a des bonnes équipes dans ce que je t'ai nommé là. Le Pac-12, c'est la même affaire. Il n'y a pas d'équipe dominante. Le ACC, c'est sûr que là, tu as Clemson puis Notre-Dame, mais le reste, ce que je veux dire, c'est que les victoires de Cincinnati, pour moi, elles valent quelque chose, là. C'est pas, ils ont quand même battu des bonnes équipes, puis moi, c'est une équipe que je prends au sérieux, des bonnes lignes de mêlée. J'ai hâte de voir, effectivement, ce Par contre, soir, là. Moi aussi, je vais. mais qu'arrive la fin de la saison, le comité, Oui. si jamais, tu sais, ils sont toujours, pour participer au match éliminatoire, ils vont participer à un gros bowl, c'est évident, un très gros bowl qui va être très payant pour eux, là, mais ça risque de jouer Oui. contre eux autres, le fait qu'ils jouent dans une conférence comme eux autres. Écoute, oui, puis je veux juste te Ils dire jouent un dans le petit mot Power 5. là-dessus. Ouais. Oui, juste s'il y a une équipe du Group of Five qui a peut-être une chance de se glisser, peut-être que BYU qui est invaincu aussi, à cause de la présence de Zach Wilson, dont on a Ouais. parlé souvent depuis le début de l'année, juste pour te dire à quel point il est bon, là, même pour regarder ceux qui n'ont pas vu les matchs, là, écoutez, je regardais ça aujourd'hui. Ce gars-là complète 75% de ses passes, OK, sur 8 matchs, là, 75% de ses passes, 314 verges par match en moyenne, 22 touchés, 2 interceptions, mais surtout 11,4 verges complétées par passe. Alors, quand tu complètes 75% de tes passes, puis lui, c'est pas du dink and dunk, là, c'est de l'attaque verticale tout le temps. C'est pas des verges après l'attraper. Lui, il attaque les zones profondes puis complète 75% de ses passes en attaquant constamment les zones profondes. Alors, c'est vraiment un excellent corps arrière. Et je te le dis, là, c'est sûr que le comité, si BYU continue de gagner, ça va être dur de les mettre en série quand même, là, mais tu sais, le fait d'avoir un gros nom comme ça dans ton équipe, ça aide pour parce que, tu sais, il y a quand même de la politique là-dedans. C'est sûr que Zach Wilson, il y a de plus en plus de gens qui veulent le voir jouer parce qu'il est vraiment bon. T'as pas ce genre de grande vedette-là à Cincinnati. C'est plus une équipe complète. Mais ils sont vraiment bons aussi. Donc, on va y aller avec Notre-Dame comme Boston College aussi. Oui, ça, c'est un match que je vais suivre, assurément. Ouais. Boston College avait fait un bon match hein, contre Clemson. Ouais. Ils avaient perdu de peu. On oublie ça. C'est une bonne équipe quand même. Notre-Dame, je veux dire, oui, ils ont une bonne fiche, mais ils n'ont pas juste joué des grands matchs depuis le début de l'année. Leur offensive n'a pas toujours été C'est leur performante. défensive, Ils ont. hein, qui fait qu'ils sont fortes, hein? Ouais. Ah, c'est la, je dirais que dans le Power 5, cette année, là, c'est peut-être la meilleure défensive ou pas loin. Mais ils sont 7-0, Boston College est 5-3. Puis moi, ce que je te dis, c'est que ils ont fait leur meilleure performance de l'année contre Clemson, ça c'est clair. Ils ont mérité la victoire, mais je sais pas contre Boston College si c'est une équipe qui peut connaître des mauvais matchs. Ça fait qu'on va regarder ça, ça pourrait être intéressant. OK. Les autres matchs, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ben C'est oui, une il y a quand semaine même assez tranquille, là. Il n'y a pas de grands matchs. Il y a Michigan-Wisconsin à ABC 19h. Ça, c'est toujours pas mauvais, mais c'est pas une c'est grande sûr. fin de semaine. La semaine prochaine, je vous dis tout de suite, il y a Ohio State contre Indiana. Ça devrait être bon. S'il n'y a pas de COVID dans ce soir-là, encore une fois, là. Oui, non, effectivement, mais je vais regarder ça. Wisconsin, Michigan, c'est sûr que je regarde ça. Pour Wisconsin, j'avais été impressionné par leur jeune corps arrière lors du premier match. Et puis, moi, ma théorie, c'est que Wisconsin, avec leur défense, leur ligne à l'attaque, leur ligne défensive, si en plus, ils ont un corps arrière, eux autres pourraient être très dangereux, même pour Ohio State, dans le Big Ten, parce que Wisconsin a toujours eu des équipes incroyables parce qu'ils n'ont pas de corps arrière d'habitude. Et là, s'ils sont capables de passer le ballon, puis vraiment, là, leur corps arrière lors du premier match a été assez incroyable. On va voir si c'était juste un coup de chance. Moi, je vais regarder probablement à 7 h Oregon contre Wazoo. Sur Fox. Donc, oui, c'est ça, sur Fox. Je veux voir Oregon. J'ai pas vu leur premier match, puis c'est sûr que c'est une université que je veux absolument avoir. Donc, je vais certainement regarder ce match-là. Et USC a quand même joué un bon premier match. Il va jouer contre Arizona. Donc, ça, c'est à 3h30 aussi sur Fox. Alors ça, je vais certainement regarder ça. Et juste comme ça, la 6e équipe, Floride, va jouer à 7 h contre Arkansas, qui est pas une grande équipe, mais moi, je veux mon opinion finale sur Kyle Trask est vraiment pas faite. Sur Kyle Pitts, ça, elle est faite, l'excellent ailier rapproché. Mais Floride a beaucoup de bons joueurs offensifs, puis ils ont Kyle Trask, puis je veux continuer mon opinion sur ces joueurs-là. Alors, c'est sûr que je vais regarder ça. OK. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. On se reparle vendredi prochain, pas vendredi, lundi, dans le cadre de la chronique sur le retour de la fin de semaine dans la NCAA et dans la NFL. Notre ami Hugues Fouché du site internet lebetsnfl.com.